Ô Dieu de joie, quand je me suis mis à croire en toi, tissant un fil ténu de foi, je pensais que tout serait facile entre nous deux. Moi sur la terre, toi dans les cieux, il n'y avait plus de contentieux, tout baignait dans les saintes huiles. Fort de cela, sous l'oreiller ce pieux contrat, et ma bien-aimée dans mes draps, je dormais sur mes deux oreilles. Oui, mais voilà, au sortir de ce doux coma, portant les yeux autour de moi, j'ai vu que c'était pas merveille. Oh, oh, oh. Toutes ces souffrances, les conflits, la belligérance, le mal dedans, le manque de chance, la guerre jusque dans les ménages. Mais le plus fort, c'est pas la guerre, c'est pas les morts. À mon avis, le pire encore, ce sont les gens qui nous managent. Car ces gens-là, les guerres ne les affectent pas. Ils sont debout, ils restent là. Ils nous lâchent pas une seconde. Leur théorie relève de la fumisterie. Mais on en pleure plus qu'on en rit. Elles ne font qu'emmerder le monde. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, aimer se montrer charitable, c'est un commerce peu rentable qui ne prospère ni ne profite. Vertu vieillotte, inutile à qui boursicote, ces valeurs qui n'ont plus la cote, mieux vaut s'en défaire au plus vite. Toi, Dieu le Père, prends garde que ces managers qui font la loi, qui mènent, qui gèrent, ne mettent leur nez dans tes affaires. Si tu les laisses, ils te reprocheront tes largesses. Tu auras un audit aux fesses. Ton paradis, ce sera l'enfer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Avec tous ces managers, ton paradis, ce sera l'enfer. Avec tous ces managers, ton paradis, ce sera l'enfer.